Der baguette, hein? Mbata et Zanango de Kofite. Nyon se zalise ma mouvement à l'oboko. Bolimona yo, et comme il faut dénisa, dénisa, moté manangaï. Yeloto sangani pansan, atina masia. Leloto sangani pansan yi ha. Pona libalo yo ese ngweto ni na motema pona bande ko babala yo ese ngweto ni na motema pona bande ko babala ni moye moni ne sanza yi o babota minzoto yi linzanza libonga ne na lange mwasi ya bonga na mobale ye ha ha ha. J'ai chanté ta beauté devant l'ensemble.